الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وعليكم السلام ورحمة الله. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir, en public et en privé, pour le bienfait de la sunna et pour la voix des salaf ridwanullahi alayhim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous raffermisse sur cette noble voie jusqu'à la fin de notre vie, et qu'il fasse de nous des soumis reconnaissants de ses bienfaits et qu'il nous les augmente. Prions Allah subhanahu wa ta'ala, on se rencontre pour se conseiller mutuellement la vérité et l'endurance avec sagesse et miséricorde. Et notre rencontre aujourd'hui concerne la plus noble et la plus sublime parole qui est la parole de notre souverain subhanahu wa ta'ala. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: je vous ai laissé deux choses, vous n'allez pas vous égarer si vous vous y cramponnez. Le livre d'Allah et ma sunna, le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Se cramponner au livre et à la sunna ne peut s'accomplir qu'avec la compréhension et la méditation et la mise en application. Notre compréhension doit être prise et basée sur celle de nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhim et ceux qui les suivent à la perfection. Notre noble messager, alayhi salatu wassalam, a dit aussi que le Coran est une preuve pour toi ou contre toi. Et le hadith, il est chez Muslim, rahmatullah alayhi. Si tu te détournes du Coran, tu ne l'apprends pas, tu ne le mets pas en application, ben il sera une preuve contre toi. Et il sera une preuve pour toi si tu l'apprends, tu le comprends et tu le mets en application. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, les bienfaits du Coran découlent de sa méditation et de sa compréhension. Car la méditation sur le Coran et la compréhension du Coran germent dans les cœurs la foi et motivent la personne à se conformer à ses enseignements dans le but d'arriver à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. La méditation sur le Coran a de grands effets dans la vie du croyant et sur son cœur. Et parmi ces effets, il augmente la foi. La méditation et la compréhension du Coran augmentent la foi du croyant. قال subhanahu wa ta'ala: وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. La traduction approximative du sens du verset nous dit: lorsqu'une sourate est révélée, les hypocrites se disent entre eux: duquel d'entre vous cette sourate a-t-elle fait augmenter la foi? Pour ce qui est des croyants, il augmente leur foi. Et ils s'en réjouissent. Et parmi les bienfaits les effets bénéfiques du Coran, c'est qu'il motive et il fortifie la crainte et l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. قال عز وجل: الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. La traduction approximative du sens du verset nous dit: Allah a révélé le plus beau des messages en un livre dont les versets se ressemblent et se répètent, à l'écoute duquel la peau de ceux qui craignent leur Seigneur frissonne, puis leur peau et leur cœur s'apaise au rappel d'Allah, telle est la guidée du livre d'Allah à travers lequel il guide qui il veut. Quant à celui qu'Allah égare, il n'a point de guide. Et parmi les bienfaits aussi de la méditation du Coran, c'est le motif à l'accomplissement des œuvres. قال سبحانه وتعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. La traduction approximative du sens du verset, il est dit: Et voici un livre plein de bénédictions que nous avons révélé, confirmant les livres qui l'ont précédé, afin que tu avertisses les habitants de la mer des cités, qui est la Mecque, et ceux de toutes les contrées qui l'entourent. Ceux qui croient en l'au-delà, croient en ce livre, ils sont assidus dans l'accomplissement de la prière. Et sache, frère en Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te bénisse, que la méditation du Coran comment l'ont clarifié les savants, t'élève du degré de la foi vers le degré de l'ihsan, le degré de la perfection. L'ihsan qui est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le vois, et si toi tu le vois pas, lui il te voit. Et donc la méditation du Coran t'élève à ce degré-là. Et aussi, il te sort de l'état de détresse et des soucis vers le soulagement et la satisfaction du cœur. Et il te sort de la situation de te sentir malheureux et triste vers la joie et le bonheur. La méditation du Coran change les situations étroites en de larges et vastes situations. Il change la situation de la faiblesse en situation de force. La méditation du Coran délivre de la prison des tentations et procure le goût exquis de l'adoration et de la soumission. La méditation du Coran sort la personne de l'égarement, du faux, et l'oriente vers la vérité et vers la guidée. La méditation du Coran change l'humiliation de ce bas monde par les honneurs de l'au-delà et d'autres effets bien bénéfiques dans la vie du croyant encore. Et dans ce qu'il attend dans l'au-delà, c'est encore meilleur. Des choses qu'il ne peut, que le corps, l'esprit humain ne peut même pas imaginer. C'est pour cela que ceux qui ont compris le Coran, ils l'ont mis en application, disaient: c'est les rois, savez le bonheur dans lequel nous sommes, ils nous combattraient pour cela. Mais malheureusement, ce bonheur, c'est quelque chose, c'est un sentiment intérieur. C'est un apaisement intérieur, d'où les rois peuvent l'atteindre. Ceci n'est vécu que par la personne lui-même, et n'est connu que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la situation intérieure de ceux qui se conforment au livre d'Allah et à la sunna du prophète alayhi salam, selon la voie et la compréhension des pieux prédisseurs d'Allah alayhim. Notre assise aujourd'hui, inshallah, est consacrée à une première approche de certains sens de sourate al-Baqarah, qui sera suivie, inshallah, d'une autre assise. Comme est dit, d'abord, les mérites de cette noble sourate. L'imam Ahmad rahimahullah rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: apprenez le Baqara, car son apprentissage est une bénédiction et sa négligence est un regret. Et les sorciers ne peuvent pas l'apprendre ou atteindre celui qui l'a apprise. Puis il se tut à long moment, sallallahu alayhi wa sallam, avant de dire: Sourate al-Baqarah et Al-Imran, apprenez les Sourate al-Baqarah et Al-Imran, car ils sont Zahrawan. Zahrawan qui veut dire celle qui donne la lumière, les lumineuses qui donnent la lumière. Ce sont les Zahrawan qui abriteront le jour de la résurrection, celui qui les apprend comme des nuages seront une ombrelle pour lui. Ou comme deux copoles, ou comme deux groupes d'oiseaux dont les rangs sont serrés, le hadith. Ça, c'est la valeur que sur laquelle nous a clarifié notre messager, alayhi salam, sur Sourat al-Imran et Sourat le Baqara. Et combien de fois des délégations arrivent chez le prophète alayhi salam et au moment de partir, il leur demande ceux qu'est-ce qu'ils ont comme le Coran. Et celui qui dit: moi j'ai le Baqara, il lui a dit: tu es leur émir. Tu es leur émir. Muslim rapporte le hadith du messager où il a dit: ne faites pas de vos maisons des cimetières. Satan, Shaitan, fit la maison dans laquelle se récite Sourate al-Baqarah. Ces hadiths cités nous annoncent les mérites de Sourate al-Baqarah, ainsi que celles de Al-Imran. Et comme il dit ce qu'a dit le noble Cheikh Al-Uthaymeen, rahmatullah alayhi, dans l'interprétation de Riyad Salihin concernant la parole du messager alayhi salatu salam: ne faites pas de vos maisons des cimetières. Satan fuit la maison dans laquelle se récite Sourate al-Baqarah. Il a dit, rahimahullah, les savants ont dit: ne délaissez pas la prière dans vos demeures. Le messager a nommé les demeures dans laquelle ne s'accomplit pas la prière des cimetières. Il a dit, rahimahullah, car la prière n'est pas permise dans les cimetières. Comme cela est cité dans le hadith, la terre entière est un lieu de prière, sauf les cimetières et les hammams. Les hammams incluent les salles de bain et les toilettes. Et il a dit: ne priez pas en direction des tombes et ne vous asseyez pas dessus. Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayhi a dit: la prière, on ne doit pas prier les prières obligatoires et surrogatoires, ainsi que les prosternations de la lecture et les prosternations du remerciement. Et aucune prière n'est permise dans les cimetières, à l'exception de salat janaza. Si on prie sur le janaza dans les cimetières, il n'y a pas de mal que cela se fasse avant l'enterrement ou après. Mais après l'enterrement, il y a une divergence chez les hommes de science. Et l'avis du Cheikh Al-Uthaymeen, c'est que lui, il voit ainsi que Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayh. Et il a dit, rahimahullah, et le prophète a annoncé que Shaitan se sauve de la maison où se récite Al-Baqara. Ce qui veut dire, quand tu lis Al-Baqara dans ta maison, Shaitan se sauve et ne s'approche pas de ta demeure. Il a dit, rahimahullah, car dans Sourate Al-Baqara, il y a Ayat Al-Kursi. Fin des paroles de Cheikh Al-Utaymi, rahmatullah alayh. Et vous, rappelez-vous du hadith d'Abu Hurairah radiyallahu anhu arda, quand il est gardien de la zakat, et que Shaitan est venu à plusieurs reprises pour voler. Et chaque fois, il prétexte qu'il a des enfants, qu'il est dans... Et à la fin, il a dit à Abu Hurairah, la troisième fois, il lui a dit, Abu Huraira, lâche-moi, je vais t'apprendre une sourate, un verset. Si tu le récites le soir, tu seras protégé, on ne pourra pas t'approcher. Il lui a dit, Ayat al-Kursi. Et quand il a dit ça, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, alayhi sallatu wassalam, il t'a dit la vérité, mais c'est un menteur. Hein? Sourate al-Baqara est une sourate médinoise. Et il est composé de 286 versets. Dans Sourate Al-Baqara, et les noms de Sourate Al-Baqara sont Al-Zahra, Al-Sanam, Al-Fustat. Pourquoi il a été nommé Al-Baqara? Car l'histoire de Al-Baqara, dans l'histoire de Al-Baqara citée dans cette Sourate, il y a une grande exhortation pour les soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette exhortation qui est le fait, l'obligation de se conditionner, se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala sans hésitation et sans exagération. Pas comme ils ont fait Banu Israël. Pourquoi il a été nommé Zahra? Qui signifie celle qui illumine, qui donne la grande lumière. Car il illumine la voie de la guidée, dans ce bas monde et dans le delà. Pourquoi Sanam? Sanam, qui est la partie la plus haute d'une chose. On dit Sanam al-Jamal, la bosse du dromadaire, la partie qui est la plus haute donc, sur le dromadaire. Et on dit Sanam al-Qawm, le plus noble parmi eux. Hein? Et donc, il a été appelé Sanam parce que il a une valeur, il a une place, hein? Une très grande place. Il a été appelé Al-Fustat, en langue arabe, disent la tente, mais pas n'importe quelle tente. Vous avez déjà vu une tente bédouine noire qui est en forme de bosse ou une tente arabe très grande. Ces tentes, pour les maintenir, ils ont un poteau au milieu qu'on appelle l'amoud. Et après, ils ont des piquets à l'extérieur dans lesquels on tire les ficelles pour les attacher, pour qu'ils se maintiennent et ils prennent la forme. Ben, il a été appelé le Fustat, la tente, parce que, ceux qui l'ont appelé ainsi, la ressemble à la tente dressée pour le commandant de l'armée, pour le commandement de l'armée. Et de cette tente-là vont sortir les ordres pour l'armée. Il a été ainsi car Sourate Al-Baqara, il est la source de beaucoup de législation et de savoir. D'où son nom, Al-Fustat. Al-Fustat a une autre signification, c'est la ville qui réunit tout. Al-Baqara réunit beaucoup de législation et beaucoup de sciences. Nous avons vu certains hadiths concernant les mérites de l'Baqara. Sourate l'Baqara, c'est une sourate qui contient Ayat al-Kursi. le plus méritoire des versets dans le Coran et le plus grandiose des versets dans le Coran. Celui, comme l'a enseigné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui le lit après chaque prière obligatoire, rien ne le sépare du paradis à part la mort. Et le hadith, il est dans l'authentique de Targhib al-Targhib, Cheikh Nasser Dil Albani rahmatullah alayhi. Et nous avons à imaginer et à observer combien de fois on la répète dans la journée. 5 fois derrière les prières obligatoires, 2 fois dans les invocations du matin et les invocations du soir. Ça nous fait 7 fois. Et 1/8 fois, si on a son odo, on veut se coucher pour être protégé par un ange jusqu'au matin. Ça fait 8 fois. Et les hommes de science disent, la répétition d'une chose, et la demande de la répétition d'une chose, cela prouve la valeur de la chose et les mérites de la chose. Hein? S'il est demandé de la répéter, c'est parce qu'il a beaucoup de mérites. Et ce verset contient un certain nombre d'attributs de nom et d'attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Muslim rahimahullah rapporte le hadith d'Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu. Ubay a dit, le messager d'Allah m'a demandé quel est le plus grand verset du livre d'Allah que je connais. Ubay répond, Allah et son messager le savent mieux que quiconque. Le prophète répéta sa question plusieurs fois à Ubay, avant que Ubay ne dise Ayat al-Kursi. À ce moment-là, le prophète alayhi salatu wasalam tapote sur la poitrine de Ubay et lui dit, félicitations à Abul Mundir pour ton savoir. Félicitations à Abul Mundir pour ton savoir. Il l'a félicité pour cette science qu'il a. Les mérites de Ayat al-Kursi sont énormes. Pourquoi? Écoute ce que nous dit Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi dans l'interprétation de Riyad Salihin. Il a dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a tapoté sur la poitrine d'Ubay en lui disant félicitations pour ton savoir. Il l'a félicité car il a su que Ayat al-Kursi était le verset, le grandiose verset du Coran. Et le plus grand des versets du Coran. Il a dit, rahimahullah, car ce verset contient 10 attributs d'Allah. Qala azza wa jal, Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. La traduction approximative du sens du verset, Allah, il n'y a de divinité digne d'adoration que lui, al-qayyum. Al-qayyum, qui se suffit à lui-même, qui n'a besoin de personne, et toute chose a besoin de lui. Ça, c'est le Qayyum. Il se suffit à lui-même, il n'a besoin de personne, et toute créature a besoin de lui. Ça, c'est le Qayyum. Vous imaginez un petit peu ce qu'il faut comme mot pour expliquer le terme le Qayyum. D'où l'importance de s'atteler à apprendre la langue arabe. Il a dit, rahmatullah alayh, dans cela, c'est-à-dire dans ce verset, il y a la sincérité et l'unicité d'Allah. Il dit la signification de la ilaha illahu, nul en vérité ne mérite l'adoration que lui. Il dit, rahmatullah alayh, toutes les divinités en dehors d'Allah ne méritent pas l'adoration, même si on les nomme divinités. Ce ne sont que des noms que les gens leur ont attribué sans preuve. Al-Hayy al-Qayyum, Allahu la ilaha illa huwa al-Hayy al-Qayyum, Al-Hayy al-Qayyum, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, et dont aucune créature ne peut se passer de lui. Ce qui veut dire celui qui a la vie parfaite de tout point de vue, éternel, sans début ni anéantissement. Hein? C'est une vie qui n'a pas d'égal. Ce n'est pas comme la vie de l'être humain qui a un début, une fin. Abadan. La vie d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'éternel vivant et sa vie n'a pas de début et il n'y a pas d'anéantissement et de fin de sa vie. Car il est le premier. Rien ne l'a devancé et le dernier, il n'y a rien après lui. Le premier, rien ne l'a devancé. Et le dernier, il n'y a rien après lui. قال عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. La traduction approximative du sens du verset, tout ce qui se trouve sur terre disparaîtra, seul demeurera à la face le visage de ton Seigneur, digne de glorification et de divination et de vénération. Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, rahmatullah alayh, certains pieux prédécesseurs ont dit, celui qui le sait verser, كل من عليها فان, tout ce qui se trouve sur terre disparaîtra, se doit de ne pas s'arrêter, mais il doit le lier avec la suite. Avec l'autre verset, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Il ne doit pas s'arrêter à كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ, mais il continue, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Seul demeurera le visage de ton Seigneur, digne de glorification et de vénération. Il dit ainsi, apparaîtra la grandeur et la suprématie et la majesté d'Allah et la faiblesse et l'infériorité de la créature. Parce que quand tu citeras que tout s'anéantira, tout disparaît, et tu, après en face, tu lui mets que restera seul Allah subhanahu wa ta'ala, là il t'apparaît clairement la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala et la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et la faiblesse de toutes les créatures qui ont un début et une fin. Il dit, rahimahullah, il est, gloire à lui, l'éternel vivant, dont la vie est complète, et sa vie est exemple de toute infériorité et de tout défaut. Et la vie des créatures est pleine de défauts, pleine de faiblesses. Dit Rahimahullah, tu prends ton audition, elle est faible. Tu n'entends pas tout, ainsi que la vue. Il en est de même pour la santé. Ben imagine. Il y a des personnes qui parlent là-haut, tu les entends? Allah subhanahu wa ta'ala, ici ce qu'ils disent. Avant qu'ils le disent. Hein? Deux personnes à côté de toi qui se parlent entre eux à basse voix. Tu vas les entendre? Tu les entends pas. Donc tout est limité chez l'être humain. Et la grandeur et la majesté, la grandeur absolue des attributs appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Subhanahu wa ta'ala. Écoute ce que nous dit notre mère Aïcha radiallahu anha wa ardaha. Quand la femme est venue se plaindre de son mari, il disait, hein, il parlait de ce qui se passait avec son mari. Aïcha radiallahu anha wa ardaha, elle a dit, il y avait beaucoup de la discussion de la femme avec le prophète alayhi salatu wasalam qui m'échappait. Pourtant, la pièce de Aïcha, hein, c'est des petites pièces. Hein? Quand tu allonges les pieds, tu arrives au bout du mur. Et il n'entendait pas. Et il a dit, radiyallahu anhu arda, et Allah, au-dessus, 17 cieux, a entendu sa plainte, il a descendu en Coran qui se lui rend jusqu'à la fin des temps. Gloire à celui dont l'audition englobe et cerne toute chose. Radwanullahi alayha. Et il en est de même pour la santé. Et combien sont nombreux les maladies qui frappent les gens. Il en est ainsi pour tous les moyens de la vie. Ils sont faibles et incomplets dans la vie des créatures. Quand le souverain subhanahu wa ta'ala, sa vie parfaite de tout point de vue, éternelle, sans début, sans anéantissement, le qayyum, celui qui subsiste par lui-même et dont aucune créature ne peut se passer, il n'a besoin de personne et toutes les créatures ont besoin de lui. قال عز وجل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. La traduction approximative nous dit cela. Quant à celui qui renie, qu'il sache qu'Allah se passe de tout l'univers et ce qu'il contient. وقال سبحانه وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. Et dans la traduction approximative du sens du verset ici, si vous ne croyez pas, sachez qu'Allah se suffit à lui-même et se passe de vous. Il n'agrée pas la mécréance de ses serviteurs alors qu'il agrée que vous fassiez preuve de reconnaissance. Donc Allah dit, rahmatullah alayh, Allah se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de cet univers et ce qu'il contient. Et tous ont besoin de lui. Il cite le hadith Qudsi, où le messager d'Allah a dit, transmettant de son souverain, subhanahu wa ta'ala, « Ô mes serviteurs, vous ne pouvez pas m'atteindre d'un mal et vous ne pouvez pas me prodiguer un bien. » Ni l'un ni l'autre. Donc, subhanahu wa ta'ala, il se suffit à lui-même. Il a besoin de personne. Et tous ont besoin de lui. Donc tout ce qui existe dépend d'Allah. Et a un grand besoin d'Allah à tout instant de sa vie et de son existence. قال عز وجل أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. La traduction approximative du sens du verset. Celui qui observe ce que chaque âme acquiert est-il semblable aux associés que vous lui donnez? Hein? Est-ce que il est comme celui qui ne possède rien, subhanahu wa ta'ala? Et celui qui observe ton âme, est-ce qu'il acquiert? C'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et rien ne peut lui ressembler. Donc le Qayyum a deux sens aussi. Il se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin des autres. Et deuxième signification, c'est que toutes les créatures ne peuvent pas se passer de lui. Toutes, ils ont besoin de lui. قال عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم. Il a dit, rahimahullah, la traduction approximative du sens du verset nous dit, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Il dit, rahmatullah alayh, la somnolence, c'est une introduction au sommeil. C'est le début. Et le sommeil, tout le monde le connaît. Il dit, Allah ne somnole pas et ne dort pas. Mais l'être humain somnole et dort qu'il le veuille ou non. Des fois, il dort, il s'endort en prière. Des fois, en parlant aux autres. Mais Allah ne somnole pas et ne dort pas, car sa vie parfaite, de tout point de vue, éternelle, sans début et sans anéantissement, et il subsiste par lui-même de façon parfaite et aucune créature ne peut se passer de lui. Et dans le hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah ne dort pas, il est impossible qu'il s'endort. » Cela veut dire que c'est impossible qu'Allah s'endort, car sa vie est parfaite à tout point de vue. Il se suffit à lui-même, et tout l'univers a besoin de lui. Et Cheikh continue de nous dire, qui observera et fera subsister les autres si le Créateur s'endort? Personne ne le pourra. Il ne somnole pas et ne dort pas, subhanahu wa ta'ala, et seul Allah sait. Et fin des citations des paroles de Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayh. On comprend maintenant pourquoi Ayat al-Kursi est un verset grandiose. Il nous clarifie sur la grandeur et la majesté et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le noble Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayh, dans l'interprétation de Riyad al-Salihin, et vers, quand il a commencé à interpréter le hadith d'Abu Huraira avec Shaitan, il a continué l'interprétation de Surat 2, du verset 2, Ayat al-Kursi, Lahu ma fi samawati wa fi al-ard. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fi samawati wa ma wa al-ard. Lahu ma fi samawati wal ard. C'est-à-dire, la traduction approximative, tout ce qui est dans les cieux et sur terre lui appartient. Il dit, rahmatullah alayh, cette phrase nous apprend que la possession et la royauté d'Allah est générale et il est absolu. Et qu'il possède, et qu'il est le seul qui possède cet univers et ce qu'il contient. Il dit, rahimahullah, personne ne possède quelque chose dans les cieux et sur terre, si ce n'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ce que possède l'être humain, comme vêtement, comme immeuble, cette possession est conditionnée. Et il est relatif. Et il est conditionné. Il ne peut l'utiliser que conformément à la législation et aux ordres d'Allah. C'est pour ça, on n'a pas le droit, Allah nous a donné une fortune, mais on n'a pas le droit d'exercer l'usure avec notre argent. Même si celui qui donne l'intérêt est consentant. Car nous ne sommes pas libres d'agir comme on veut, dans tout ce que nous possédons, car notre possession est une possession relative et conditionnée. La possession complète et absolue appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il en fait ce qu'il veut subhanahu wa ta'ala, comme il veut et quand il veut. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Cheikh nous dit ce qui veut dire personne ne peut intercéder auprès d'Allah sans l'autorisation d'Allah. L'intercession, c'est le fait d'être l'intermédiaire pour prodiguer un bien à autrui ou pour lui repousser, pour lui épargner un mal. Chez les rois, dans ce bas monde, malgré leur pouvoir ou la grandeur de leur royaume, l'être humain peut intercéder auprès d'eux sans autorisation. Sans autorisation préalable. La femme des plus puissants rois, sa femme intercède auprès de lui sans autorisation. Mais auprès d'Allah, personne ne peut intercéder sans son autorisation. La plus noble créature auprès d'Allah ne peut intercéder auprès de lui sans son autorisation. Et cela prouve que son pouvoir est absolu et il est parfait. Et vu que son pouvoir est parfait, il est absolu, personne ne peut dire quoi que ce soit, même pour l'intercession, qui est un grand bien, sans l'ordre, sans son ordre, subhanahu wa ta'ala, même la plus noble, et la plus honorée des créatures, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la résurrection, ne peut pas intercéder qu'après avoir demandé l'autorisation d'Allah, et après avoir reçu l'autorisation. Il se prosterne, alayhi salatu salam, une très longue prosternation. Et Allah lui inspire ce jour-là des louanges qu'il n'a jamais fait auparavant. Et puis, l'autorisation arrive et il intercède. Allah lui donne l'autorisation et à ce moment-là, il intercède. Si on est ainsi, pour Khalilullah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la situation s'impose encore plus pour n'importe qui. Hein? Personne ne peut intercéder auprès d'Allah sans son autorisation. Car il a la royauté et le pouvoir absolu, subhanahu wa ta'ala. قال عز وجل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. La traduction approximative du sens du verset, il connaît leur passé et leur futur. Il dit, rahimahullah, Allah connaît tout le futur, ma bayna idihim, ce qui va arriver, wa ma khalfahum, tout ce qui s'est passé. Et cela prouve sa science parfaite, complète. Il cerne toutes choses, le passé, le présent, le futur. Et cela prouve que sa science est parfaite et qu'il est complète. Le futur que tu vas rencontrer est devant toi, même si c'est un petit instant. Et le passé, c'est ce qui est derrière toi, même si c'est un petit instant. Il dit, rahmatullah alayhi, notre parole aujourd'hui après l'Asr, c'est du futur ou du passé? Il dit, c'est du passé. Hein? Ce que je dis maintenant, c'est le présent. Et ce que je vais dire après, ça sera le futur. Il dit, rahimahullah, maintenant, c'est le présent. Allah sait tout ce qui est de notre futur, notre présent et de notre passé. Et cela prouve que sa science est parfaite et qu'il est complète, car la science d'autrui est incomplète. Ni n'est parfaite, ni complète. Pourquoi? Il dit, rahimahullah, on ignore beaucoup de choses et après on les apprend. Donc c'est un savoir qui est devancé et précédé par une ignorance. Il dit deuxièmement, quand on connaît quelque chose, quelque temps après on l'oublie. Hein? Et ça, ce sont deux défauts dans la créature. L'ignorance et l'oubli. Il dit, mais dans la science d'Allah, il n'y a ni l'oubli, et il n'est pas précédé par l'ignorance. Il n'y a pas d'oubli, il n'est pas précédé par l'ignorance. Comme Moussa, alayhi salatu salam, a dit à Pharaon. Quand Pharaon lui a posé la question sur ceux qui sont, qui les ont précédés. قال عز وجل فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. La traduction approximative du sens du verset, il dit, qu'en est-il alors des générations passées? La connaissance de leurs œuvres est auprès de mon Seigneur inscrite dans un livre. Mon Seigneur ne commet ni erreur ni oubli. Par le terme « la yadil », le noble cheikh le Uthaymin dit, il n'ignore pas. Et par le terme « la yansa », il n'oublie pas ce qui s'est passé. Alors que nous, on est entouré de deux défauts. Un défaut précédent, le savoir, qui est l'ignorance, et un défaut futur, qui est l'oubli. Et la science d'Allah est exempte de tout ça. وقوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه. La traduction approximative du sens du verset et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. C'est-à-dire, ils peuvent connaître que ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils connaissent. Cheikh Al-Utaymiyyah nous dit, rahmatullah alayh, les créatures ne peuvent avoir de sa science que ce qu'il veut subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas cerner quelque chose de la science d'Allah que ce qu'il veut. Et cela, comme dans le verset où il y dit, قَالَ عَزَّ وَجَلْ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ اِرْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا. La traduction approximative du sens du verset dit, lui seul connaît l'invisible, qu'il ne dévoile à personne, sauf à celui qu'il agrée comme messager, qu'elle fait précéder et suivre d'ange protecteur. Il dit, rahmatullah alayh, aussi, on ne connaît rien en ce qui concerne son essence, subhanahu wa ta'ala, ni le comment de ses attributs. Et on connaît de ses attributs que ce qu'il nous a fait connaître, et ce qu'il nous a fait connaître son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Mais le comment, personne ne le connaît. D'où la parole des savants qui dit que l'affirmation ou la négation des noms et des attributs d'Allah ne doit pas être en dehors de la législation, c'est-à-dire ne doit pas être en dehors des textes. L'affirmation ou la négation d'un nom ou d'un attribut doit être basée sur un texte ou la parole d'Allah ou dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Car on ne connaît pas ses attributs, nous connaît de ses attributs que ce qu'il nous a annoncé de ses noms et de son essence. Il nous a annoncé tout simplement, hein. Alors, sur cela, il nous a parlé d'être. Est-ce qu'il nous a parlé comment il est? Ni, hein, les qualificatifs de cette essence? Abadan. Et en plus de ça, il ne nous est pas permis de ramener notre raison au milieu de tout ça. Car tout ce qui concerne le comment de l'essence d'Allah et le comment des attributs d'Allah, impossible à la raison de l'atteindre. Hein? Impossible. Je te donne un exemple. Quelqu'un y frappe à la porte. Hein? Tu dis qui? Tu dis c'est quelqu'un. Tu le connais? Est-ce que quand il a dit que c'est quelqu'un, tu le connais maintenant? Hein? Quand est-ce que tu vas savoir son apparence et qui il est? Quand tu ouvres la porte et tu le vois. Hein? Et ceci, concernant Allah, est impossible dans ce bas monde. Voir Allah dans ce bas monde, c'est impossible. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, il comblera ses soumis croyants de cette grande joie, et de ce grand bonheur, et de cette grande miséricorde qui est le fait de le voir. Hein? Mais dans ce bas monde, ni, on ne connaît ni le comment des attributs, ni le comment de l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il faut même pas se masturber l'esprit avec ça. C'est une maladie qui va amener vers une impasse, et qui va peut-être amener la personne à s'égarer de la voix d'Allah. Hein? Il dit, rahimahullah, que dans la parole de ces hommes de science, comme quoi, hein, l'affirmation, la négation des noms et des attributs d'Allah doit être basée sur des textes, il dit dans cette phrase, il y a la preuve que l'être humain a besoin qu'Allah le comble de savoir. Et donc, il incombe à l'être humain de demander à Allah de lui apprendre ce qu'il ne sait pas parmi les intérêts de son mondain et de sa religion. قال عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض. Il dit, la traduction approximative, nous dit, son coursi recouvre et s'étend au-delà des cieux et de la terre. T'imagines? Le coursi qui n'est pas le trône. Coursi est l'endroit où l'on pose les pieds. C'est une créature autre que le trône. Le trône est une chose et le coursi en est une autre. Le trône est beaucoup plus grand, beaucoup plus immense que le coursi. Le coursi déjà est énorme. L'esprit humain ne peut même pas imaginer la grandeur du coursi. Le coursi entoure les sept terres et entoure les sept cieux. Et quand tu sais, comme il a dit Rasulullah alayhi wa sallam, entre chaque ciel, il y a 500 années de marche. Ben imagine-t'as la distance qu'il y a et l'immensité de ce coursi qui les entoure. La raison humaine, il est où dans tout ça? Comment il peut capter ce domaine? C'est impossible. Hein? Et au-dessus de ça, il y a le trône d'Allah qui entoure tout ça. Il entoure le coursi, est-ce que le coursi entoure? Imagine, qu'est-ce qu'il en est du Créateur, subhanahu wa ta'ala? Si on n'arrive même pas à imaginer l'immensité de ces deux créatures, comment on peut imaginer l'immensité et la majesté et la grandeur du Souverain, subhanahu wa ta'ala? C'est impossible. Cheikh Al-Uthaymeen, rahmatullah, il a dit, le coursi est l'endroit où l'on pose les pieds et c'est une créature autre que le trône est plus grand, plus vaste que le coursi. Il dit, rahimahullah, le trône est plus grand et plus vaste que le coursi et le créature du trône, et le créateur du trône est encore plus grand et plus majestueux. Il dit, c'est le coursi entoure les cieux et la terre et que le trône est plus immense que le coursi, donc le souverain est plus majestueux et plus grand que toutes les créatures. Il dit, il cite le verset, وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا. La traduction approximative du sens du verset, qu'il préserve sans aucune peine ses sept cieux, ses sept terres, et ce qu'il contient, il le préserve et ça lui cause aucune peine. Cheikh nous dit, rahmatullah alayh, que la protection des cieux et de la terre avec leurs occupants, et malgré leur immensité, ne lui cause aucune peine. Tout en étant au-dessus de toute chose, rien ne lui échappe. Ça ne lui coûte rien de préserver les cieux et la terre et ce qu'ils contiennent. Hein? قال عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وقال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. La traduction approximative des deux versets qui sont cités ici, il est dit dans le premier, l'homme a autour de lui des anges qui se relaient et veillent sur lui par ordre d'Allah. Des anges qui le protègent par l'ordre d'Allah. Et dans Sourat Yusuf, il est dit, la protection d'Allah est meilleure que la vôtre. Et il est le plus miséricordieux de ceux qui font miséricorde. Il dit, rahmatullah alayh, tout en étant au-dessus de toute chose, la protection des cieux et de la terre et tout ce qu'ils contiennent ne lui coûte rien. Il ne lui cause aucune peine. Wa huwa al-'ali al-'azim. Ah, il vient la fin de ce sourate al-Kursi avec ce terme, et il est le très haut, le majestueux très haut. Il a dit rahimahullah, il est au-dessus de toute chose et il est le majestueux par rapport à toute chose. Al-'ulu, qui vient du Al-'Ali, certains savants ont dit concernant l'ulu, qui est l'élévation au-dessus de tout, au-dessus de toute chose, cela concerne son essence, subhanahu wa ta'ala, comme il concerne ses attributs. Ses attributs sont au-dessus de toute chose. L'Azim, celui qui a la majesté, qui a la puissance, qui a l'immensité. Hein? Regardez encore une fois, pour un mot, l'Azim, ce que nous avons comme mot pour pouvoir arriver à un semblant de sens du mot. Parce que l'Azim, quand tu le prononces comme ça, déjà dans ton esprit, il apparaît l'Azama. Et t'as beau la chercher dans les termes français, mais tu n'as pas cette impression. D'où l'importance de donner l'importance à la langue arabe et de ne pas traîner sur les traductions. Il a dit, rahimahullah ta'ala, ce peu de signification, c'est-à-dire le peu de signification qu'il vient de donner de ce verset, hein, nous clarifie sur le pourquoi de la grandeur de ce verset et du mérite de ce verset. Fin des paroles de Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayh. Dans la fin de Sourate Al-Baqara, il y a aussi deux versets qui ont de grands mérites. Le Bukhari rahimahullah rapporte, et d'autres aussi, d'Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée tous les compagnons, que le messager a dit: celui qui lit la nuit les deux derniers versets de Sourate Al-Baqara, cela lui suffira. Celui qui lit les deux derniers versets de Sourate Al-Baqara, cela lui suffira. Ibn Hajar, dans son explication de Sahih al-Bukhari, a dit: ils sont suffisantes pour le protéger du mal. Et il a dit aussi: ils sont suffisantes pour le protéger du mal des djinns et des humains. Et ils sont suffisantes, c'est comme il a fait des prières nocturnes. Et il a dit, rahimahullah aussi, ils lui suffisent comme récompense. Hein, pour le terme, hein, pour l'explication du terme de la parole du prophète alayhi salatu wasalam, cela lui suffira. Il a ramené ces trois interprétations concernant cette parole du messager alayhi salatu wasalam. Et voici un autre hadith qui nous montre les mérites de Fatiha et les mérites des derniers versets de Sourate Al-Baqara. Ibn Abbas a dit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré, alors que Jibril alayhi salatu wassalam se trouvait avec le messager sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci entendit un craquement au-dessus de lui. Jibril leva les yeux au ciel. Il dit: ceci est une porte du ciel qui vient de s'ouvrir pour la première fois. Un ange en descendit. Il se rendit auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, auquel il dit: réjouis-toi de deux lumières qui t'ont été accordées et à aucun prophète avant toi. Il s'agit de Sourate Al-Fatiha et des derniers versets de Sourate Al-Baqara. Tu ne réciteras pas une seule lettre de l'un de ces versets sans être exaucé dans les invocations qu'ils contiennent. Le hadith, il est rapporté par l'imam Nasa et l'imam Muslim, rahimahumullah. Hein? Et ça, ce sont les mérites de ces dernier verset dans lequel il y a le dua dans Sourate Al-Baqara et aussi dans Sourate Al-Fatiha. Hein? Donc c'est pour ça, en Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faut pas se priver de la méditation de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas non plus se priver de la mise en application de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut œuvrer et persévérer dans l'accomplissement de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala conformément à ce que veut Allah et conformément à ce qu'a annoncé Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et conformément à la voie sur laquelle étaient les nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. Fa sallallahu alayhi wa sallam, Rabbul Arsh al-Azim, janna wa iyyakum